19.1, mise en œuvre. Écoutez la mise en œuvre du texte dans l'enregistrement sonore. Répétez et répondez suivant les indications. Paris, le quartier latin. Le quartier des écoles, des facultés, des études et des étudiants. Mireille et Robert discutent. Ils sont sûrement étudiants. Les étudiants étudient, manifestent et le reste du temps discutent. Robert a invité Mireille à prendre quelque chose à la closerie des Lilas. Ils ont traversé le jardin du Luxembourg, sont passés devant l'Institut d'art et d'archéologie où Mireille suit un cours. Ça, là à droite, c'est l'Institut d'art et d'archéologie. J'y suis un cours d'art grec. Ils se sont assis à la terrasse de la closerie des Lilas. Il était 11h15 à l'horloge de l'observatoire et 5h15 à la montre de Robert. Quelle heure est-il ? 11h15. J'avais encore l'heure de New York. Le quartier latin, le quartier des écoles, des facultés. Des études et des étudiants. Quelle est la caractéristique du quartier latin? C'est le quartier des écoles, des facultés, des études et des étudiants. Robert a invité Mireille. Il a invité Mireille à prendre quelque chose à la closerie des Lilas. Où Robert et Mireille sont-ils allés prendre quelque chose? À la closerie des Lilas. Ils ont traversé le jardin du Luxembourg. Ils sont passés devant l'Institut d'art et d'archéologie. Où Mireille suit un cours. Par où sont-ils passés pour arriver à la closerie des Lilas? Ils ont traversé le jardin du Luxembourg et ils sont passés devant l'Institut d'art et d'archéologie. Où Mireille suit-elle un cours? À l'Institut d'art et d'archéologie. Ils se sont assis à la terrasse. À la closerie des Lilas, est-ce qu'ils se sont assis à l'intérieur? Non, à la terrasse. Pourquoi avez-vous voulu venir ici? Vous savez, je ne connais pas beaucoup de cafés à Paris. Je connaissais celui-ci à cause d'Hemingway, de Scott Fitzgerald, de Gertrude Stein. Vous ne venez jamais ici? Non, c'est la première fois. Ça ne vous plaît pas? Si, mais c'est un peu trop chic et trop cher pour une pauvre petite étudiante comme moi. Si je veux prendre un café avec des copains, je vais plutôt dans un petit bistrot du quartier. Vous ne venez jamais ici? Non, c'est la première fois. Est-ce que Mireille vient souvent à la closerie des Lilas? Non, c'est la première fois. C'est un peu trop chic et trop cher pour une pauvre petite étudiante comme moi. Pourquoi? Parce que c'est un peu trop chic et trop cher pour une pauvre petite étudiante comme elle. quand je veux boire un café... Quand je veux boire un café avec mes copains... Je vais plutôt dans un petit bistrot du quartier latin. Où est-ce qu'elle va quand elle veut prendre un café avec des copains? Dans un petit bistrot du quartier.